Étude 5, du 27 octobre au 2 novembre, l'expérience d'unité dans l'Église primitive. Le verset mémorisé se trouve dans Acte 2 au verset 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. L'unité de l'Église est le résultat d'une expérience spirituelle partagée en Jésus, qui est la vérité. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Les liens de communion solides se forgent dans un parcours et une expérience spirituelle commun. Les premiers adventistes ont connu ce genre d'expérience au sein du mouvement millérite. Leur expérience partagée en 1844 avait uni leur cœur alors qu'ils recherchaient une explication à leur déception. Cette expérience donna naissance à l'Église adventiste du septième jour, à la vérité sur le jugement qui aura lieu avant le retour de Jésus et à tout ce que cela implique. L'expérience des disciples de Jésus après son ascension au ciel est un témoignage rendu à la puissance de la parole de Dieu, à la prière et à la communion fraternelle dans la construction de l'unité et de l'harmonie parmi les croyants issus de milieux très différents. Cette même expérience est encore possible aujourd'hui. J'insiste, la communion fraternelle est un élément particulièrement important dans l'adoration collective. Rien ne remplace le chrétien dans la concrétisation du lien spirituel qui l'unit aux autres croyants et au Seigneur Jésus-Christ. Jésus attire d'abord une âme à lui, mais ensuite il unit toujours cette âme aux autres croyants de son corps, son Église.